Exercice 6, page 156. A. Je suis chez son père. B. Je suis chez son frère. C. Nous sommes chez son fils. D. Nous sommes chez sa mère. E. Ils sont chez sa fille. F. Ils sont chez sa sœur.